à tôt. Dans mon pays là-bas, on dit l'homme qui aime le combat plus que le combat, c'est un homme sage. Ah, ça c'est vrai ça. Cet homme habite dans la plus belle île du monde, ah, la Guadeloupe. Il s'appelle Monsieur Jean-Claude François, alias Dictam. Et attends, je vais te dire encore. Cet homme aime plus la guitare que ses chemises. Ah oui, Dictam de Cibel. Vraiment. Kia Boloko, hey, Kia Zo.